Tout a commencé, l'appart était petit et pourri. J'étais petit, les soucis étaient aussi grands et penchés comme la tour de Pise. Papa m'a dit, y'a pas assez de sous, donc arrête les conneries. J'étais petit et je me souviendrai toute ma vie. C'est nous, il me t'a passé sur le tapis. Cache l'escalier brûlé, les cafards sur le coin, l'étoile d'araignée, la piste sous l'escalier. J'aurais toujours ce regard, celui qui dirait rempli de fierté. Car j'ai les cœurs pémards, éphémères comme l'amour sur une barque. Mes cahiers remplis de détails, dans ce rouge pétage, je glace et je détale. J'étais petit et comme tout gosse de ces rivages, il faut que je m'éloigne. Le temps passe, je suis pas à tenir avec les stars et les dédanes. Courir sur les dodanes, ce soir il était tard. Il est tard et sonner les gyrophares. Tout devient si petit d'un coup, je ressens les larmes d'un sans domicile. Sans repère, je tag à la famille, je suis un gars avec trop d'ennemis. De ivri à frémri, je connais trop d'alcooliques, je suis lâche et dégoûté. Je suis tombé comme une arme d'un enfant, tombé dans un guet-apens. Tombé dans ce bâtiment, je suis coulé, collé par ce ciment. Je me suis écroulé comme la larme de maman. La larme de maman. C'est mon mental, je prends l'armée. Ils y comprennent que dalle dans toutes sortes de trafic. Vol, arme, portable. Tu veux que je te montre les larmes d'un détenu? Je veux partir, mais je suis détenu ici. C'est comme si je tenais les larmes, les murs de ma tessie. Y'a tellement de mots. Une larme d'espoir, c'est les pleurs de Rico. J'en ai marre donc j'ouvre mon cœur. Une larme de malheur, c'est celle de la rancœur. Mais que l'état meurt, je suis toujours debout après toutes ces peurs.